de l'île. Le siècle va mourir tranquille. De Gaulle disant la France est douce en 1900. Pendant que les autres garçons vont jouer aux billes ou au ballon, aura besoin de lui. De Gaulle, de Londres, français, la route sera longue. De Gaulle, 40, une certaine idée qui chante, une poignée. Magique d'un autre monde. De Gaulle, de Lille, comme un naufragé dans son île. On fait un sinistre procès à ce général sans étoile. Mais quand De Gaulle parle en français, ils reconstruisent leur cathédrale. De Gaulle, de Londres, d'Alger, de Strasbourg et de Lille, au creux de l'ombre, au fond du chemin de l'exil, après les pistes de l'Afrique, passant par-dessus. De Gaulle, de France.